À l'occasion du 85e anniversaire de la fondation de l'héroïque armée populaire de Corée, le dirigeant suprême Kim Jong-un a reçu une corbeille de fleurs et une lettre de félicitations de la part du corps des attachés militaires en Corée. La corbeille de fleurs et la lettre de félicitations ont été transmises le 23 au général d'armée Park Yong-sik, ministre des Forces armées populaires, par le doyen du corps des attachés militaires Roman Osvaldo Jiménez Ortega, attaché militaire cubain à Pyongyang.